Le chant du coq. Si Julien avait eu un peu de l'adresse qu'il se supposait si gratuitement, il eût pu s'applaudir le lendemain de l'effet produit par son voyage à Verrières. Son absence avait fait oublier ses gaucheries. Ce jour-là encore, il fut assez maussade. Sur le soir, une idée ridicule lui vint, et il la communiqua à Madame de Rênal avec une rare intrépidité. À peine fut-on assis au jardin, que sans attendre une obscurité suffisante, Julien approcha sa bouche de l'oreille de Madame de Rênal et, au risque de la compromettre horriblement, il lui dit « Madame, cette nuit à 2 heures, j'irai dans votre chambre, je dois vous dire quelque chose. » Madame de Rênal répondit avec une indignation réelle et nullement exagérée à l'annonce impertinente que Julien osait lui faire. De fort mauvaise humeur et très humilié, Julien ne dormit point. Il se fatigua le cerveau à inventer des manœuvres savantes. Un instant après, il les trouvait absurdes. Il était en un mot fort malheureux quand 2 heures sonnèrent à l'horloge du château. Ce bruit le réveilla comme le chant du coq réveilla Saint-Pierre. Il se vit au moment de l'événement le plus pénible. Il n'avait plus songé à sa proposition impertinente depuis le moment où il l'avait faite. Elle avait été si mal reçue. Enfin, souffrant plus 1000 fois que s'il eût marché à la mort, il entra dans le petit corridor qui menait à la chambre de Madame de Rênal. Il ouvrit la porte d'une main tremblante et en faisant un bruit effroyable. Il y avait de la lumière. Une veilleuse brûlait sous la cheminée. Il ne s'attendait pas à ce nouveau malheur. En le voyant entrer, Madame de Rênal se jeta vivement hors de son lit. « Malheureux ! » s'écria-t-elle. Il y eut un peu de désordre. Julien oublia ses 20 projets et revint à son rôle naturel. Ne pas plaire à une femme si charmante lui parut le plus grand des malheurs. Il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds, en embrassant ses genoux. Comme elle lui parlait avec une extrême dureté, il fondit en larmes. Quelques heures après, quand Julien sortit de la chambre de Madame de Rênal, on eût pu dire, en style de roman, qu'il n'avait plus rien à désirer. En effet, il devait à l'amour qu'il avait inspiré et à l'impression imprévue qu'avait produite sur lui des charmes séduisants une victoire à laquelle ne l'eût pas conduit toute son adresse si maladroite. Mais dans les moments les plus doux, victime d'un orgueil bizarre, il prétendit encore jouer le rôle d'un homme accoutumé à subjuguer les femmes. Il fit des efforts d'attention incroyables pour gâter ce qu'il avait d'aimable. L'idée du devoir ne cessa jamais d'être présente à ses yeux. Mortellement effrayée de l'apparition de Julien, Madame de Rênal fut bientôt en proie aux plus cruelles alarmes. Les pleurs et le désespoir de Julien la troublaient vivement. Mais quand elle n'eut plus rien à lui refuser, elle repoussait Julien loin d'elle avec une indignation réelle et ensuite se jetait dans ses bras. En un mot, rien n'eût manqué au bonheur de notre héros. Pas même une sensibilité brûlante dans la femme qu'il venait d'enlever, s'il eût su en jouir. Mon Dieu, être heureux, être aimé, n'est-ce que ça ? Telle fut la première pensée de Julien en rentrant dans sa chambre. Il était dans cet état d'étonnement et de trouble inquiet où tombe l'âme qui vient d'obtenir ce qu'elle a longtemps désiré. Elle est habituée à désirer, ne trouve plus quoi désirer, et cependant n'a pas encore de souvenirs. Comme le soldat qui revient de la parade, Julien fut attentivement occupé à repasser tous les détails de sa conduite. N'ai-je manqué à rien de ce que je me dois à moi-même? Ai-je bien joué mon rôle? Et quel rôle? Celui d'un homme accoutumé à être brillant avec les femmes.